les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il faut construire l'Europe, et très vite. Enfin, cela dépend des points de vue. Et par quoi commencer ? Par l'économie ou par la politique ? Ou encore, limiter cette Europe, cette fédération européenne, à l'économie ? Il existe un enthousiasme en Angleterre pour l'Assemblée européenne. Oui, en Angleterre. Tiens, nous sommes, il est vrai, en 1948. Le 22 septembre 1948, précisément, lorsqu'est diffusée sur la chaîne nationale la Tribune de Paris que voici, où l'un des invités prévient « Il n'y a rien de si dangereux dans la vie que l'autorité sans la responsabilité ». Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. L'attitude de la Grande-Bretagne à l'égard du projet d'Assemblée européenne a suscité en Angleterre même et dans le monde des controverses prolongées. On ne comprend pas, en général, la réserve observée par le gouvernement de Londres à l'égard du regroupement des puissances occidentales. Quelles sont les raisons de cette position? Quelles objections soulève-t-elle? C'est ce que nous tenterons d'examiner ce soir. Autour du micro sont réunis William Pickles, professeur de sciences politiques à l'Université de Londres, Claude Bourdet, directeur du journal Combat, et Jean-Maurice Martin, délégué général de la Fédération, membre de l'Union européenne des fédéralistes. Émile Dana va mener le débat. Cette conversation sera surtout une explication à tous les sens du mot. Il existe, on commence à le savoir, un projet d'Assemblée européenne. On croyait, ou du moins on espérait, que l'Angleterre travailliste, s'y rallierait, comme la France et comme la plupart des puissances de l'Occident. Or, non seulement l'Angleterre ne s'y rallie pas, mais elle marque, vis-à-vis de ce projet, une attitude de réserve qui équivaut pratiquement à une opposition, à un refus. Il y a là une sorte de mystère, et c'est ce mystère que nous voudrions dissiper. William Pickles. Je crois qu'il faudrait peut-être remonter un peu plus en avant et tâcher de préciser d'abord exactement ce que nous discutons. Il y a une grande confusion dans les esprits, autour de cette question comme autour de beaucoup d'autres, entre l'idée d'une fédération, entre ceux qui veulent marcher aussi rapidement que possible vers une fédération européenne avec une constitution écrite, c'est-à-dire l'idée qui a été préconisée à la réunion récente de l'Union interparlementaire à Interlaken, et ceux, au contraire, qui je crois sont peut-être plus nombreux, qui préfèrent marcher beaucoup plus discrètement, éviter l'idée d'une constitution écrite, et aboutir à quelque chose pour le moment de beaucoup plus flou. Je me demande d'abord laquelle de ces idées discutons-nous ce matin. Eh bien, William Pickles, indépendamment de toute théorie, il s'agit de savoir pourquoi l'Angleterre n'adhérera pas au projet d'Assemblée européenne, à ce projet qui a fait l'objet d'une recommandation unanime au Congrès de La Haye, à ce projet aussi qui, vous le savez, sous une forme plus réduite, a été repris par un mémorandum du gouvernement français il y a quelques semaines. Mais Jean-Maurice Martin, je crois, une question préalable à poser. Je voudrais apporter une précision en ce qui concerne le fédéralisme tel que nous le concevons à la Fédération. À mon avis, le fédéralisme n'aboutit pas du tout à la création d'un super-État et d'un super-gouvernement et, par conséquent, à la rédaction d'une constitution écrite qui, virgule par virgule, règle tous les problèmes. À mon sens, le fédéralisme est essentiellement, au départ, l'interpénétration des forces vivantes des différentes nations européennes, interpénétration qui se réalise entre les forces économiques, les forces sociales, les forces culturelles, et qui se concrétise par des institutions précises. En ce qui concerne la Constitution, il faut bien dire que si une Constitution doit exister, elle ne peut être que le reflet, que la projection de la structure interne de l'Europe. Or, à l'heure actuelle, il est prématuré de vouloir définir par le détail cette structure. Il faut régler les problèmes à la base, en tenant compte des impératifs, des intérêts divers qui s'enchevêtrent et qui sont extrêmement compliqués, Et quand on aura résolu les problèmes de base, peut-être par la suite aboutirons-nous à un texte, mais il est encore prématuré pour savoir si ce texte est souhaitable ou non. Alors cela simplifie de beaucoup notre tâche. Cela nous sépare. William Dickens qui répond. Cela nous sépare d'un grand nombre de gens, mais cela clarifie beaucoup et nous permet, je crois, de discuter avec beaucoup plus de clarté l'autre idée d'une Europe unie sans constitution écrite. Claude Bourdet. Je crois que l'hostilité de M. Pickles contre la Constitution écrite est au fond un reflet de l'hostilité britannique en général contre les constitutions écrites et en somme un reflet de ce goût de l'empirisme que les Britanniques apportent en politique. Et personnellement, je n'y vois absolument aucune objection, au contraire. Mais quand M. Pickles parle de la rapidité ou de la lenteur, alors là je ne suis plus du tout d'accord. Parce que je crois qu'au train où nous allons, eh bien, la planète éclatera d'une manière ou d'une autre, au figuré ou au propre, avant que l'on ait fini les petites opérations de fédération et autre chose. C'est pour cela que beaucoup de gens, et moi-même, et en France, vraiment une grosse masse de la population, s'intéressent passionnément à ce projet d'Assemblée européenne, en admettant parfaitement qu'il n'est pas question d'imposer tout de suite une constitution à l'Europe. Et je crois, voyez-vous, que l'on fait en Angleterre, en France et ailleurs, une erreur monumentale en pensant que c'est par des voies lentes, économiques et autres, que l'on arrivera justement à cette affaire, à cette unité de l'Europe. On croit précisément que ce sont des méthodes plus douces, que ce sont des méthodes moins dangereuses. Je crois que c'est exactement le contraire. Je crois que si l'on essaie de faire par exemple l'unité économique de deux pays, on arrive instantanément à des catastrophes, on arrive à des ruptures d'intérêts, on arrive à des oppositions violentes des milieux ouvriers ou patronaux. Finalement, au bout de très peu de temps, l'idée qui semblait charmante au début devient odieuse à tout le monde. Pourquoi ? Mais parce que justement, ce sont des choses qui, elles, doivent se régler avec le temps. Au contraire, une assemblée politique, une union politique des États européens peut parfaitement laisser une très très large place à la souveraineté des nations. Elle peut pratiquement ne pas y toucher au début. Elle peut simplement décider qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'Europe et qu'à l'intérieur de cette espèce d'énorme édifice, on va progressivement réunir les différents systèmes sociaux, politiques, juridiques et économiques. Au fond, c'est ce qu'a fait la Constitution suisse. Quand on a fait la première assemblée des cantons, qu'est-ce que c'était d'autre chose qu'un simple pacte de défense commune? Et puis, peu à peu, c'est devenu quelque chose qui est un véritable État moderne. William Pickles. Il y a, je ne vais pas pour le moment donner ma propre conception là-dessus, mais je voudrais préciser qu'il y a deux grandes tendances en Angleterre d'opposition au genre d'idées qui vient d'être exposé par Claude Bourdet. La première est celle que l'on trouvera par exemple dans les discours de M. Dalton, qui était autrefois chancelier de l'échiquier, qui d'ailleurs trouve un appui énorme parmi les petits pays scandinaves, qui dit que nous sommes un pays socialiste ou à moitié socialiste, que nous avons le plein emploi, nous avons des nationalisations qui marchent, nous avons un budget en équilibre, nous avons un esprit de civisme que nous cultivons depuis de longues années et qui nous sert beaucoup dans cette expérience socialiste, et nous ne voulons pas délayer notre socialisme en le mélangeant, en y mettant l'eau continentale, si vous voulez, l'eau de pays qui ne sont pas encore arrivés à l'étape de développement économique que nous avons eue. C'est la première tendance oppositionnelle contre cette idée. Mais l'autre, qui est peut-être plus importante et qui est représentée, je crois, par M. Bevin et M. Attlee, est différente. Notez que M. Attlee a dit très spécifiquement, il y a 2 ans seulement, nous fédérerons ou nous périrons. C'est-à-dire, il est fédéraliste, il est pour l'unité européenne. M. Bevin a fait un grand discours il y a une semaine à peu près seulement, où il s'est défendu contre l'accusation qu'on lance contre lui de s'opposer à l'idée de l'unité européenne. Au contraire, il a énuméré les 1000 pas que Claude Bourdet trouve insuffisants que nous avons fait envers l'unité européenne. Et le problème donc se résolut dans ce débat, surtout entre Français et Anglais sur ces questions, à ceci. Faut-il commencer par le côté économique? Faut-il faire une espèce d'unité dans la pratique, dans la vie de tous les jours, dans l'action commune des nations, ou faut-il commencer par une assemblée soit élu directement, soit élu par les différents parlements, qui essayera de concrétiser l'idée, ou plutôt non pas de concrétiser l'idée, mais d'exprimer l'idée devant un public européen de l'Union européenne. Eh bien, je crois que je devrais pour le moment laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais je crois qu'il y a de solides raisons pour croire qu'une assemblée européenne à cette heure ferait beaucoup plus de tort à l'idée de l'Union européenne que toute autre idée. Jean-Maurice Martin ne paraît pas de cet avis. Je crois simplement qu'il faut aller vite. Je ne voudrais pas faire une profession de foi, mais il me semble qu'il faut construire l'Europe très vite, parce que, pour des raisons économiques et pour la raison de la défense d'une civilisation traditionnelle, il faut absolument réaliser l'unité organique de l'Europe. Il faut donc faire vite, et il y a un autre fait qu'il faut souligner, c'est l'interdépendance des problèmes économiques et des problèmes politiques. On ne peut pas traiter des problèmes économiques sans aborder le côté politique et réciproquement. C'est pour cela que il me semble qu'on doit préconiser une double action. Une action sur le plan économique qui est sans doute extrêmement lente, l'exemple du Benelux le prouve, et encore le Benelux ne touche que des pays relativement petits, mais il faut absolument commencer par des accords économiques qui sont très lents à réaliser, mais également promouvoir la création d'une assemblée européenne qui déjà pourra traiter d'un certain nombre de problèmes et amorcer cette interpénétration dont je parlais tout à l'heure. William Pickles. Je souscris beaucoup plus volontiers aux idées de M. Martin qu'aux idées de M. Bourdet. Je suis entièrement d'accord pour trouver qu'il faut faire le travail politique et le travail économique en même temps, on ne peut pas les séparer. Mais j'affirme que c'est ce que nous avons déjà commencé par l'action entreprise sous l'égide de la France et l'Angleterre, par exemple, dans l'Organisation pour la coopération économique européenne et dans 1000 autres organisations. La conception anglaise dans cette question est qu'il faut commencer par la réalité, par les choses, par l'action. Nous avons cédé d'une fraction considérable de notre souveraineté à littéralement à des centaines d'organisations internationales. Nous avons proclamé que nous sommes prêts à en céder d'autres. Le chancelier de l'échiquier, c'est Stephen Krebs, a fait un discours il y a quelques mois. Un discours qui a surpris un grand nombre de gens en Angleterre, dans lequel il a dit « Nous voulons l'unité européenne. Pour l'unité européenne, il faut consentir des sacrifices. Il faudrait même que certaines industries que nous considérons importantes en Angleterre aujourd'hui disparaissent entièrement. Que nous acceptions cet énorme sacrifice avec toutes les difficultés sociales que cela pourrait comporter. » Cela, je crois, est la preuve de l'enthousiasme qu'on trouve en Angleterre pour l'idée de l'Union européenne. Seulement, nous trouvons aussi qu'il en risquerait de compromettre cet enthousiasme si on commençait par créer un organisme consultatif comme l'Assemblée dont on parle, qui n'aurait aucune responsabilité et aucune fonction sauf de parler. Nous sommes d'avis qu'il n'y a rien d'aussi dangereux dans la vie politique, que ce soit dans la vie nationale ou dans la vie internationale, que l'autorité sans la responsabilité. Or, une assemblée européenne, qu'elle s'appelle consultative ou autre, aurait de l'autorité. Alors, et l'autorité qu'elle dérive de son élection directe ou de son élection par des parlements responsables, mais elle ne serait en rien associée à l'action qui serait pour le moment celle des gouvernements. Elle n'aurait qu'à émettre des projets sans pouvoir contrôler la façon dont ces projets seraient appliqués. Elle aurait tous les défauts que l'on constate déjà dans certaines assemblées nationales, que je ne veux pas nommer, mais qui agissent sans un véritable sentiment de responsabilité. Elle multiplierait ça par 10 ou par 100 et elle finira par se quereller sur des questions qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui et qu'on peut peu à peu, dans la pratique et dans l'action et dans la réalité, trouver des solutions. Claude Bourdet. Eh bien, je pense que par ce procédé, il n'y a aucune raison pour que l'unité de l'Europe se fasse plus vite maintenant que les unités diverses dont on a déjà pensé dans l'histoire ne se sont pas faites au cours de l'histoire. Je crois que pour cela, il y a de bonnes raisons. Jamais une union économique ne s'est faite s'il n'y avait pas à la tête une véritable union politique. Il y a un exemple que l'on propose quelquefois comme objection, c'est celui du Zollverein allemand, mais en réalité le Zollverein a été fait par la Prusse et sous la direction de la Prusse. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une véritable union politique d'abord. Ensuite, vous dites que l'Assemblée européenne sera fatalement une assemblée de bavards. Je ne le crois précisément pas. Je crois que la mise en contact de gens d'origine extrêmement différente est un calmant extraordinaire pour le genre de passions qui se produisent dans les petites assemblées nationales. Je n'en veux qu'un petit exemple. C'est que nous avons en France une assemblée qui est un modèle pour les autres, c'est l'Assemblée de l'Union française. C'est une assemblée qui est pourtant uniquement consultative, qui pourrait être aigrie, excitée. Eh bien, il se trouve que la présence en commun de délégués des diverses parties de l'Union française fait que les Français et les délégués autochtones se conduisent parfaitement bien. Je voudrais simplement en quelques mots... C'est Jean-Maurice Martin qui intervient. Je voudrais simplement en quelques mots appuyer la thèse de M. Bourdet en ce qui concerne le rôle de l'Assemblée européenne. Jusqu'à présent, la politique européenne est l'affaire des gouvernements. Et il me semble qu'il y a des forces politiques réelles qui ne sont pas organiquement représentées, j'entends les forces familiales, syndicales, économiques et culturelles, qui, justement, devraient avoir un rôle à jouer dans l'organisation de l'Europe. Et il me semble que cette Assemblée pourrait faire la place qui est souhaitable de voir faire à ces forces organisées et qui représentent des activités précises, et que là, il y aurait un terrain d'initiation et de discussion extrêmement profitable. William Pickles. Je vais tâcher de dire rapidement trois choses seulement. Claude Bourdet a parlé de l'Assemblée de l'Union française, qui est une expérience extrêmement intéressante, même passionnante, mais qui ne vient que de commencer. On en a vu d'autres, beaucoup d'autres, d'assemblées internationales réunies pour discuter des idées générales. Elles n'ont jamais abouti qu'à la bagarre ou à des motions nègres-blancs qui ne voulaient rien dire du tout. C'était des assemblées d'État et pas des assemblées de peuples. Mais des assemblées, j'ai assisté à des douzaines d'assemblées de peuples, dont par exemple des assemblées syndicales internationales et quantité d'autres. J'ai assisté à des assemblées de socialistes qui auraient pu se mettre d'accord, qui n'ont pas pu le faire, précisément parce qu'elles se cantonnaient dans le domaine des idées générales. Ensuite, M. Martin parle des forces qui pourraient aider à la réalisation de l'idée et qu'on n'organise pas. À quoi je réponds qu'elles s'organisent elles-mêmes. Il n'y a rien qui les empêche de s'unir sur le plan international et d'entreprendre l'activité qu'elles veulent. Et finalement, je voudrais signaler à l'attention de M. Bourdet une chose. C'est l'exemple du Benelux. Le Benelux, je suis sûr que vous êtes d'accord, est en train d'essayer de réaliser une union complète. Elle commence par le côté économique, par le côté pratique. Il n'a jamais été question d'une union générale des trois pays, d'une union parlementaire, d'une assemblée parlementaire des trois pays du Benelux, parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui commencerait par ruiner la chose. Claude Bourdet. Moi, j'ai peur que justement ce soit ce manque d'unité politique qui soit à l'origine des grandes difficultés que le Benelux a pour intégrer son économie. Je voudrais encore dire une chose à M. Pickles, c'est que j'ai peur qu'au fond, il y ait dans la mentalité anglaise, comme il nous l'a suggéré, dans la mentalité tout au moins d'une partie des Britanniques, un petit peu de l'esprit de la fourmi, de la fable de la fontaine, également dans l'esprit des Scandinaves, n'est-ce pas? La fourmi travaille bien, la cigale est un peu désordonnée. Seulement, ça n'est que dans la fontaine, je crois, que la fourmi a raison. Parce que dans la réalité, dans l'histoire, il arrive un insectivore, par exemple un ours venu de l'Est, ou bien un aigle venu de l'Ouest, ou tous les deux ensemble, qui mangent la cigale et la fourmi. Claude Bourdet, Jean-Maurice Martin et William Pickles ont discuté la position de l'Angleterre à l'égard du projet d'Assemblée européenne. Vous venez d'entendre la Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française. Nous rappelons que les opinions émises à la Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 22 septembre 1948. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».